Vers gravé sur un myrte. Myrte heureux, dont la voûte épaisse servit de voile à nos amours, reçois et conserve toujours ces vers enfants de ma tendresse, et dis à ceux qu'un doux loisir amènera dans le bocage, que si l'on mourroie de plaisir, je serai mort sous ton ombrage.